Dans ce 14e épisode, Waze sera votre guide avec 7 astuces pour en faire encore plus. Bienvenue dans le podcast du blog moptimise.com. Je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Moptimise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application. Cette application, c'est Waze. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Waze, c'est une application de GPS, de carte, pour aller d'un point A à un point B en général. En voiture, c'est là toute la force. C'est une application qui est gratuite, qui est présente sur les trois systèmes de smartphones principaux, à savoir les iPhones, les téléphones sous Android et les téléphones sous Windows Phone. C'est une application collaborative, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut participer et peut signaler les ralentissements, on peut signaler les éventuels travaux, on peut signaler les obstacles sur la voie, on peut signaler des accidents. Donc c'est une application très très utile que je recommande à tous ceux qui prennent la route régulièrement. C'est une application qui permet de gagner du temps. Et en général, les gens qui ont un smartphone, si vous avez aussi un forfait avec de la donnée, c'est une application qui va aller collecter les données du trafic et les données des autres utilisateurs, pour pouvoir vous proposer le trajet le plus rapide. Donc je vous ai trouvé un article en français cette fois-ci, vous pourrez retrouver le lien vers l'article dans les notes de l'émission, bien évidemment, qui liste cette fonctionnalité de Waze à découvrir ou redécouvrir. En passant, je précise juste que Waze appartient, a été racheté par Google il y a maintenant quelques années, donc c'est une application gratuite, mais que l'utilisation que vous en faites est réutilisée derrière forcément par Google. Donc ceux qui n'aiment pas Google et l'utilisation que Google peut faire de nos données, je vous déconseille d'utiliser Waze. Donc le premier point, dans Waze, il est possible d'utiliser des voies différentes. Donc ça peut être assez amusant de changer la voie si vous préférez un homme ou une femme qui vous indique la route. Il y a en français, en général, la possibilité d'avoir un ado ou un enfant aussi pour vous guider. Et c'est la même chose si vous voulez avoir les indications dans une autre langue. C'est tout à fait possible. L'application propose de temps en temps des voix lors de certains événements. Typiquement, à la sortie du dernier Star Wars, il y avait une voix C3PO qui pouvait vous indiquer la route en vous disant « Tournez à droite, maître !» Donc c'était assez amusant. Par contre, ces voies événementielles disparaissent au bout d'un certain temps. Donc il faut en profiter quand elles y sont, il faut aller voir dans les paramètres audio des voix ce qu'il y a en ce moment, mais ne vous étonnez pas si les voix changent de temps en temps et si vous revenez à la voix par défaut. Le deuxième point, il est possible de choisir entre différents itinéraires. Donc dans les paramètres, dans la partie navigation, vous pouvez définir ce qui vous convient le mieux, si vous voulez l'itinéraire le plus rapide ou si vous voulez l'itinéraire le plus court en kilomètres. Vous pouvez également spécifier si vous voulez éviter les autoroutes ou pas. Donc ça, c'est dans les paramètres pour vous proposer par défaut l'itinéraire qui vous conviendra le mieux. Ensuite, une fois que vous planifiez un trajet, il y a encore une option itinéraire qui apparaît et là l'application vous propose trois itinéraires différents en vous listant le nombre de kilomètres, le temps estimé sur le trajet et un petit graphique pour vous estimer s'il y a des choses sur la route, s'il y a des accidents, s'il y a des embouteillages. Ça peut des fois vous aider si vous voulez, si vous voyez qu'il y a trois trajets de durée quasiment équivalente mais où il n'y a pas de bouchon d'indiqué. Si vous préférez rouler un petit peu et pas être trop longtemps dans les bouchons, ça peut vous aider à choisir quel itinéraire privilégier dans l'application. Et il y a aussi une option carte où vous pouvez voir sur la carte les trois trajets qu'il vous propose. Ça peut être utile si vous connaissez bien vos trajets et vous savez que sur celui qui va vous proposer, il y a un stop où il faut tourner à gauche, où c'est compliqué, où donc forcément les 2 minutes plus courtes qu'un autre trajet que l'application vous propose, vous savez très bien que de toute façon vous allez perdre ces 2 minutes à essayer de tourner à gauche à ce carrefour qui est un petit peu compliqué. Donc il y a toutes ces options d'itinéraire qui existent dans Waze. La troisième option de Waze, c'est la capacité d'afficher les stations-service sur votre route. Donc vous pouvez dire si vous avez une type de station que vous préférez, si vous avez une carte, typiquement une carte d'entreprise ou une carte de fidélité d'une certaine station essence, vous allez pouvoir privilégier celui-là. Privilégier le carburant, il va trier par distance ou par prix, en fonction de ce que vous voulez. Et comme c'est un système communautaire et que c'est les utilisateurs qui mettent à jour les prix, quand vous vous arrêterez à une station essence, il vous fera un petit écran, un petit pop-up pour vous proposer de mettre à jour le prix du carburant de cette station-service pour les autres utilisateurs. Le quatrième point s'applique uniquement pour les utilisateurs d'Android. Ça vous permet de recevoir des alertes basées sur votre agenda. Donc c'est déjà un petit peu le cas avec Google Now qui va vous indiquer il est temps de partir si vous voulez être à l'heure à votre rendez-vous. Donc là c'est la même chose avec Waze, et quand vous avez le pop-up et si vous cliquez dessus, ça va lancer Waze, et Waze aura déjà paramétré le trajet pour vous si vous avez bien rentré dans votre rendez-vous le lieu de destination. Et visiblement, les événements Facebook sont aussi utilisables dessus. Le cinquième point, c'est un point qui peut être utile, c'est de vous éviter les excès de vitesse. Avec les dernières mises à jour, il est possible d'ajouter un compteur de vitesse, de l'afficher, de montrer la limite de vitesse sur le tronçon de route sur lequel vous êtes, et de vous jouer une alerte sonore si vous êtes à la limite de la vitesse, à 5, 10 ou 15% au-dessus de la limite. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'utilise et que je trouve très très pratique. Typiquement en ville, ou quand on a beaucoup de changements de vitesse, des zones à 50, à 70, à 90, c'est très très vite fait de se retrouver au-dessus de la limitation de vitesse. Donc là, c'est bien, c'est votre smartphone et l'application Waze qui vous prévient, attention, vous dépassez la limite autorisée. Le sixième point, il est possible de planifier vos itinéraires à l'avance. Donc il y a une option planifier un trajet, vous pouvez l'enregistrer et ensuite vous pouvez retrouver facilement les trajets que vous avez planifiés. Et le septième et dernier point, il s'agit de personnaliser le curseur de position sur la petite carte. Par défaut, vous avez une petite flèche qui vous indique votre voiture, mais vous pouvez vous amuser à changer le style de voiture. Il y a plusieurs possibilités, une coccinelle, un bus, une voiture bleue, une voiture grise, une voiture verte, une voiture de course. Voilà, libre à vous de vous amuser à personnaliser le curseur de position de votre voiture sur la carte de Waze. Voilà pour ce petit épisode sympathique sur l'application Waze et des utilisations un petit peu plus avancées que le simple fait de l'utiliser comme un GPS. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager sur les notes de l'émission sur le site moptimise.com, sur Facebook Moptimise et sur Twitter @moptimise. Et moi, je vous dis à bientôt !